Le sous-gouverneur d'administration du territoire maritime de Russie et autres hôtes étrangers ont visité le 29 septembre le palais du soleil de Kumsusan pour formuler l'hommage sublime au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.